les télé-warnings sur la ligne de départ. J'ai un flow fast and furious, qui bondit comme le guépard. Le rap c'est la guépra, y'a-t-il des MC quelque part? Je pars sur le keg avant qu'il part, je veux crailler mon steak. On stab contre les kicks et les claps. Ici c'est pas les podcasts mais les M6 qu'on éclate. Une excuse plate de notre part, NSO, nos gens sur moi. Si la réussite est ailleurs, on se barre autre part. Baroudeur en pleine nuit dans une odeur de weed. Un flacon Jack Daniels dans les pattes, c'est Need for Speed. Matez mes feux arrière, vous n'en verrez pas plus. À part si je roule en marche arrière, 6-0 le matricule. On se prend pas la tête, juste on fait Pelec, Pelec, Pelec, Pelec. Le peuple est sur la sellette, le peuple dort pas, mais il se casse pas la tête. Tire dans le tas, il est pas net. On se prend pas la tête, juste on fait Pelec, Pelec, Pelec. Le peuple est sur la sellette, le peuple dort pas, mais il se casse pas la tête, tire dans le tas, il est pas net. On n'est pas tous des enfants de cœur. STROMA, je représente mon équipe, motherfucker. Les pilotes de trottinette jouent les bikers. Si les MC sont des qui, moi je suis un striker. Joue pas les qui, ton style tient un string PD. Dis adieu à ta carrière, voilà notre street CD. Anéanti, la concurrence va rendre les armes mélodieuses. Musique, y'a pas de lézard dans l'usine. Jour et nuit derrière le PC, j'casse saigné du nez. J'ai les rimes, pas besoin de Ramsey pour les tuner. Des gaines de lâche, un corps de fuyard. C'est pas nécessaire d'être balèze, mené au corbillard, frère. On se prend pas la tête, juste on fait Pelec, Pelec, Pelec. Le peuple est sur la sellette, le peuple dort pas, mais il se casse pas la tête, tire dans le tas, il est pas net. On se prend pas la tête, juste on fait Pelec, Pelec, Pelec, Pelec. Le peuple est sur la sellette, le peuple dort pas, mais il se casse pas la tête, tire dans le tas, il est pas net. La street life ne s'efface pas avec une douche. Je lui rouille à ma parole, il en tient une couche. Sortez les bolides, voilà du bon son pour la route. C'est du solide, increvable, les pneus sur la roue. On a la dalle, la gnaque, donnez-nous à grailler. Les rappeurs valent pas plus qu'un putain de chien empaillé. À nos yeux, c'est dent pour dent carrier, visage entaillé. Le quotidien d'un club posé sur cahier. Je ressemble peut-être à ton voisin de palier. Nos vies sont peut-être les mêmes, tous dans la même galère. On négocie les virages, tente de garder la trajectoire qu'il faut pour pas finir dans le panier. On se prend pas la tête, juste on fait Pelec, Pelec, Pelec, Pelec. Le peuple est sur la sellette, le peuple dort pas, mais il se casse pas la tête, tire dans le tas, il est pas net. On se prend pas la tête, juste on fait Pelec, Pelec, Pelec, Pelec. Le peuple est sur la sellette, le peuple dort pas, mais il se casse pas la tête, tire dans le tas, il est pas net.